Économisez 15% chez Chichio Café, 875 rue de Clairefontaine à Québec. chichiocafé.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Bonsoir les amateurs de musique progressive sur le réseau Internet, parce qu'il semblerait qu'à cause de problèmes techniques, on ne nous entend pas en ondes. En tout cas, moi, je n'entendais pas nos prédécesseurs, Vincent et Jacques. Je ne l'entendais pas dans l'auto. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Disons que ça commence un petit peu mal l'année, mais on est de bonne humeur quand même et on est en compagnie de France. Bonsoir France. Bonsoir Jean-François. Bonsoir Bruno. Bonsoir Bruno. Bonne année aux auditeurs et aux auditrices. Ben oui, la première émission de l'année. C'est pour ça que je dis que ça commence pas très bien l'année. Mais c'est pas grave. On va quand même faire une bonne émission et vous pourrez nous entendre sur un podcast. En fait, si vous entendez, c'est que probablement vous écoutez le podcast ou que vous nous écoutez en direct sur Internet. Et l'année 2015, qui se termine, en fait, qui s'est terminée, a été assez riche. D'ailleurs, France va vous faire une petite nomenclature un peu des grands moments, des grands concerts qui ont eu lieu au cours de l'année 2015. Et il y a eu aussi des choses un petit peu tragiques, comme le décès de Chris Squire, qui nous a marqué beaucoup. C'est une idole, en fait, depuis plusieurs années, et ça touche plusieurs milieux. Et aussi Lemmy Kilmister de Motorhead, le fondateur de Motorhead, qui est décédé plus récemment. Ben oui, mais il est aussi connu des milieux progressifs parce qu'il a fait partie du groupe Hawkwind. Et parmi les autres faits importants, disons qu'il y a eu le festival Terra Incognita, avec des bons groupes, hein, je pense que parmi nos préférés, on peut dire qu'il y a eu Anecdoten. Oui. Et on a beaucoup aimé Elephant of Scotland et... Ah oui, c'est vrai. Et oui, on va en reparler dans une autre partie. Mais disons que l'année a bien débuté aussi cette année, en fait 2016, parce qu'on a vu un très beau concert hier des jeunes de GG Project. Des jeunes très talentueux, bons musiciens. Un show n'a pas manqué quand ils vont revenir. Oui, parce que la salle était pleine à 100%, donc ils ont trouvé ça très, très encourageant. Et ils se promettent de revenir, mais en fait, de revenir, c'est des jeunes de Québec, c'est ça qui est le fun. Mais ils se sont fait voir aussi à d'autres endroits. Je pense qu'ils ont joué à Montréal. À Montréal, ou dans un bar. Puis, ils ont joué assez à Lévis l'année dernière. Oui, c'est ça. Puis je pense qu'en automne, ils ont joué à Saint-Casimir. Oui, à Saint-Casimir. C'est une place qu'on voit de plus en plus. Hein. Il y a plusieurs groupes de progressifs qui jouent à Saint-Casimir. On va débuter ce premier bloc avec Thief Kitchen, qui est un groupe qui est né sur les cendres de Grey Lady Down, avec le batteur Mac Robotham. Mais ce musicien-là ne fait plus partie du groupe. Parce que en 2008, il est arrivé un musicien important qui s'appelle Thomas Johnson, qu'on connaît bien pour faire partie de Hand La Gare. Ils ont sorti un disque qui tranchait assez avec presque le jazz fusion là, de Steve Kitchen jusque-là. Et ils ont confirmé cette tendance-là, cette nouvelle direction, avec One for Sorrow, Two for Joy en 2013. Et à ce moment-là, le groupe était devenu un trio avec Johnson, Amy Darby et Phil Mercy. Donc, c'est le noyau dur maintenant de ce groupe-là. Et on retrouvait aussi Anna Holmgren de Hand La Gare aussi, qui joue de la flûte dans Hand La Gare. Et il y avait aussi deux membres de Sanguine Homme. Et maintenant, en 2015, en fait, dans l'année, ils ont sorti The Clockwork Universe, dont on va entendre un extrait. Et en plus, à la basse, on retrouve Johan Brand, qui fait aussi partie d'Hand La Gare. Donc, c'est pas méconnu. Et on peut dire qu'ils ont pris le contrôle aussi. Donc, il y a beaucoup de vocales et des beaux instrumentaux sur ce disque-là. Et sur la pièce qu'on va entendre, ça fait pas exception. Donc, ça commence assez doucement avec des belles parties vocales. Et il y a une partie qui rappelle un petit peu Hand La Gare un peu plus tard. Et ce bloc se terminera avec une pièce de Muse. C'est bien difficile de passer à côté de Muse. Bon, il y en a qui vont dire, bon, c'est pas un groupe de progressif. Peut-être pas, mais disons, si on regarde le concept, parce que c'est un disque qui est plus rock, leur dernier album, là, qui s'appelle Drone. Et on a fait disparaître un peu les sonorités électroniques. Et on a donné un son un peu plus rock. Là, on a fait appel à Robert Mutlange, qui a sévi avec Def Leppard, entre autres, et qui a fait que Shania Twain sonnait un peu Def Leppard. Donc, il y a un son à lui, mais disons que le groupe a quand même conservé sa personnalité. Et c'est un disque concept qui est décrit d'ailleurs dans Progressis, numéro 82. Et on parle de ce disque-là en disant que c'est l'histoire d'un individu transformé en machine à tuer et sa rédemption. Donc, ce serait ça le concept. Et selon Matthew Bellamy, Drone est une parabole sur un monde dirigé par des drones qui utilisent des drones pour nous transformer en drones. Donc, le thème est lancé. Et d'ailleurs, on dit que dans le show, dans le concert, il y a des drones qui se promènent. Oui. Donc, on a bien hâte de voir ça. Oui, le 18 et le 23 janvier. Oui, et la pièce qu'on va entendre, c'est une pièce un petit peu punchée qui s'appelle Defector, comme l'album de Steve Hackett d'ailleurs. Mais disons que vers la fin, on a des pièces qui sonnent vraiment plus progressives. Donc, on commence ce bloc avec Tiff Kitchen. We'll be right back. so far to see. The time is all I had to give to you. Years of inconstancy were my reward. I wash my hands of ça change, il never change. He's fading to gray. Oh, to be very young is everything. He's only lines of force, we drew our destiny. Such success to won the part. The other the to the start again. I'm free. look for strength and assistance, confident that with your help, man will be what he was born to be. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. À CKRL, on est fiers de donner une place de choix à la musique racine. L'heure H, les mercredis 19h30 avec Hubert Tremblay, rue d'Auteuil les vendredis 20h avec Michel Dubois, Cap Estrade les dimanches midi avec Jean-Pierre Chénard et son équipe, Les Routes Enchantées les dimanches 13h avec Denise Leclerc et son équipe, Racine Musicale les dimanches 17h30 avec DJ Bigou et Selecta Jalabaman. Et c'était sur des notes assez rock du groupe Muse qu'on a terminé ce bloc qui avait débuté avec Thief Kitchen de leur album Clockwork Universe et la pièce The Scientist's Wife. Et tel que promis, on vous parle des shows qui ont marqué l'année 2015. Donc voici France. 2015, on était gâtés vraiment en show. Le décompte, normalement, 20 groupes qui ont été sur la scène du Québec. Fait qu'on a eu Neil Morse et en première partie Mystery, qui est revenu au Centre d'art La Chapelle faire un show à eux et non en première partie. Il y a eu Alan Person, IQ, un show double à l'Impérial, Aiken et Spock's Beer. Mm-hmm. Au mois de mai, il y a eu Magma qui est venu au Théâtre du Petit Champlain et la convention Terra Incognita. Il y a eu Anton Roulard. House. Oui, j'ai demandé à Michel Saint-Père, puis il me dit qu'on disait Huis. Huis. Elephant of Scotland. Oui. Et mon groupe, que j'apprécie beaucoup, Anecdoten. Ah oui. Et pour terminer la convention, il y a eu Frog Café, Il Castello di Atlante et Kepa da Copo. En juin, il y a eu Steven Wilson. Qui revient d'ailleurs le 29 février. Mm-hmm. Riverside, Three Friends, Saga, Mystery, que j'ai nommé tout à l'heure. Mm-hmm. En novembre, il y a eu King Crimson. Évidemment. Mm. Mémorable. Et en novembre, PFM pour terminer la saison 2015. Ah oui, une grosse année. Et ça, c'est dans ceux-là qui nous ont intéressés le plus. Mais ça, là-dessus, il y a plein d'autres choses. Disons, si on parle de prog pur, là, mais y a bien d'autres choses qui s'en rapportent, qui s'y rapportent un peu aussi. Et bien, tant qu'à parler de Neil Morse, on va entendre une pièce qui vient de son quadruple album, le Morse Fest 2014. Et on va entendre Colder in the Rain. On va entendre aussi une pièce de Third Degree de leur disque Ones and Zeros. Et le nouveau Tate Lab aussi, on va entendre une pièce d'un album qui s'appelle Grappling. Et on terminera par RPWL qui sera de la convention 2016. On va entendre The Wanted, Hide and Seek. Like a prize fighter who can hear the count but can't get up. up, I'll sleep a while and fight another day. Like a lock to the door, like a match to the window, close to everyone. Like a lock to the door, like a match to the window, I was growing colder in the sun. Mirror, mirror in the sky, I look to you, but you can't hear me cry. Sometimes you seem so far away. Oh, why give me this ocean that nobody wants to get to near? And why, oh God, can I not seize this day? Like a lock to the door, like a latch to the window, close to everyone. Like a lock to the door, like sun. patience, hope to be more than human in a future tailored for the strong. I am nothing but ones and zeros, and I am already escape the gravity. pilgrim bearing the mark no one can see. Waiting for sleep, I see chapters from my youth. The old lapmaker said only the half moon reveals where the liquid light brings me back. A tangled web of roots and water were her words that ran cold and deep. Yet I can't shake the flame of her lamp oil eyes. A long centipede is making its way up my arm. As the smell of leaves brings me back. What a coincidence. I've seen her every day since I left. But the magnet inside. Street, a small wooden shed

Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaëtan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. The sound from the ice directly under my feet. Aiguisez vos oreilles, l'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Salut les geeks! Vous avez soif d'informatique, de cinéma, de jeux vidéo, d'humour douteux et de tout ce qui se passe dans les confins de l'Internet? Eh bien, abreuvez-vous à la source des geeks contre-attaque tous les samedis 14h à CKRL 89.1. Et sinon, ben, vous pouvez boire un verre d'eau. Hein. C'est tout un winner de s'hydrater. C'est important, l'eau dans la vie. Ça... Et tu peux rien dire, Winner? Le plein air, la foule sont parfois de rudes adversaires pour le micro. C'est KRL 89.1. It's a hard world to get a break in. All the good things have been taken. But girl, there are ways to make certain things pay. Québec. Les voix, les sons seront plus éloquents que le plus pertinent des discours. Eh bien oui, donc on a terminé ce bloc avec RPWL, avec un son un peu plus rock, ce qu'on a connu lors de leur dernier passage. Et c'est un peu leur façon de faire ça, avec le disque Wanted, ils sont venus un peu plus rock, contrairement à Beyond Man and Time, qui lui était beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus Pink Floyd, je dirais. C'était précédé de Teeth Lob, de leur album Grappling, on entend de Magnet et avant Third Degree, et on avait débuté avec Neil Morse. Et on va vous parler des shows à venir. Des shows qui sont annoncés présentement. Ben oui, c'est dur sur le portefeuille, hein, début d'année. Oui, surtout en début d'année. Fait que le festival Terra Incognita, ben oui, qui va avoir lieu la fin de semaine. Des patriotes, comme on dit aujourd'hui, de la fin de semaine des patriotes. Exactement, une nouvelle appellation. À la mi-mai. Mm-hmm. Fait que le vendredi, ça va être RPVL, qui plaît Pink Floyd. Oui. Ils vont jouer, je pense, l'album Uma Guma. Mais en fait, ils ouais. reproduisent un show qui était donné en 68-69. Et principalement, oui, c'était le contenu de Uma Guma. Mais il y a des pièces de Moore là-dedans et des pièces solo aussi. C'est très psychédélique et RPWL réussit très, très bien dans ce style-là. C'est assez impressionnant. On l'a vu lors de leur dernier passage. Bon. Et le samedi, ça va être Inner Odyssey. Ben oui, notre bon petit groupe de Québec. Notre petit groupe de Québec. Avec le sympathique Vincent. Et oui, il y a Abel Gans. Oui, ça va être le fun. Ça. Puis RPWL qui vont fermer le samedi. Avec leur répertoire. Avec leur répertoire. Le dimanche, l'ouverture va être Kinetic Element. Le petit groupe italien qu'on apprécie, je pense, beaucoup au Québec, Unreal City. Et la fermeture va être avec le groupe Sylvan, que j'ai hâte de voir. Ben oui, quand on dit petit groupe, on veut dire qu'ils sont jeunes, en fait. Oui, là, c'est ça. Parce qu'ils ont à peu près le même âge qu'Inner Odyssey. Puis c'est beau de voir la passion de ces jeunes-là pour ce genre de musique-là. Mm. Puis les autres shows, ben comme j'ai dit tout à l'heure, il y a Steven Wilson qui va être en prestation le 29 février, une journée mémorable, ben oui, qui revient tous les 4 ans. En avril, un gros mois, Steven Wilson le 8 avril, le 14 avril... Steve Hackett, excusez, je me suis trompée de Steve. Ouais. Je venais de dire Steven Wilson. Le 14 avril, Dream Theater... Le 28 avril, Stickman. Et le 2 novembre, Marianne. Les shows qui sont présentement annoncés et il va y en avoir d'autres à venir. Bon, ça va coûter cher encore une fois. Et tantôt, tu parlais de Hawken. Très belle visite. Ça avait été un peu une révélation avec Spoxbeard. Un show double, comme tu le disais. Mm-hmm. Là, c'est, il n'y avait pas de première partie. Là, c'est, chacun faisait un show complet, là, environ 2 heures chacun. Et ben, il y avait un disque qui était rare à ce moment-là, qui était sorti dans les semaines précédentes, qui s'appelle Restauration. En fait, c'est un EP, ce qu'on appelle un mini-album. Seulement 3 pièces, mais quand même 35 minutes. Et on va entendre une belle pièce qui caractérise le groupe là, dans tout ce qu'il y a de plus progressif. On va entendre Crystallized et ce sera suivi de Seven Steps to the Dorm et de leur album Fétiche qui est sorti au cours des derniers mois. Someone's calling, someone's calling.

facing the future. On a glass passing by, I never did it. On a way to Shanghai, I never did it. Without leaving goodbye, I never did it. I'm reaching the sky, I never did it. On a ding July, spending days with a girl, I never did it. On the top of the world, I never did it. Night and day, day and night, I never did it. Life fertility right, I never did it. Running out of the world, did it, then on a parade. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bonsoir, bienvenue à La Barberie. Qu'est-ce que je peux vous servir? Je vais te prendre une casquette, un t-shirt small de fille, deux t-shirts large de gars, un porte-clés, un pot de moutarde, un pot de confit d'oignon, une pince graphique puis une tuque. Dressé ou à rabat noir, la tuque? Donnez-moi les deux. Quelque chose à boire? Du champ de l'état d'Indien Péré pour emporter. Non, bonsoir. Chérie, réveille-toi. Oh, je rêvais que j'étais à la Barberie. Yeah, yeah, yeah, yeah. À la Barberie, il y a de la bière. Et beaucoup plus encore. Et encore plus. 89.1. Et c'est ainsi qu'un soir d'il y a 45 ans est née la radio, en effet. Et depuis ce soir-là, un immense dialogue ne devait plus cesser de recouvrir la Terre. Un nouvel âge était né. Il y avait suffi de quelques pionniers. Vous écoutez CKRL. Et oui, c'est CKRL avec les annonces de la Barberie qui nous font toujours rire un peu. Et beaucoup d'imagination. On a terminé ce troisième bloc avec Seven Step to the Green Door, groupe allemand qu'on retrouve sur la compilation New Species volume 20 qui arrive avec le magazine Progressis numéro 82. Et en parlant de Progressis, ils ont commencé à dévoiler la programmation de leur festival qui a lieu au mois d'avril, les 23 et 24 avril. Et le premier groupe qui a été dévoilé, c'est Diabellians, qu'on avait déjà entendu, parce qu'il y avait un extrait sur le numéro 81 de la compilation Progressis. On va l'entendre à nouveau, cette pièce-là, là, qui s'appelle Evil Talk. Un très bon groupe belge, en tout cas, ils ont seulement qu'un mini-album, mais en tout cas, la pièce qu'on va entendre, moi, je la trouve très bonne. Mais on va débuter avec un autre groupe américain, en fait, qui c'est un vrai groupe, là, ça s'appelle Purposeful Purpose. Un drôle de nom. Ben oui, ça se prononce mal, en plus. Et ben, pour faire une petite traduction... Purposeful, c'est l'anglais pour dire déterminé ou tenace, et porpoise, c'est marsouin, donc un marsouin déterminé. Bon, un drôle de nom, mais derrière tout ça, c'est Alex Cora, un jeune guitariste qui s'occupe de toutes les compositions. Il s'est entouré d'une violoniste qui est très bonne, qui se distingue, qui a joué avec Meatloaf et Evanescence, qui s'appelle Ginny Luke. Il y a aussi un pur inconnu qui s'appelle Derek Sherinian. Là, je blaguais parce que c'est un claviériste qu'on a bien connu sous son nom et aussi avec Planectix, qu'on avait vu d'ailleurs lors d'un des Nirfest, un très bon musicien. Il y a aussi un bassiste qui a joué avec Chick Corea et aussi un batteur qui s'appelle Vinny Kalayuta, qui serait très connu, moi, c'est pas un nom qui m'est très familier. Donc, c'est son disque qui s'appelle The Watergate. C'est un album double avec trois pièces sur le premier disque et sept sur le deuxième. Et la pièce qu'on va entendre, qui s'appelle Serena Song, il l'avait écrit pour une fille dont il était amoureux. Ben, il précise bien à cette époque-là. Et lors de l'interview que j'ai vue dans Big Bang, on dit que c'est le premier volet d'une trilogie basée sur la science-fiction. Donc son parcours, c'est il a découvert Iron Maiden quand il était jeune et des groupes de métal. Ensuite, il s'est intéressé à Jeff Beck et les improvisations. Ensuite, il a connu Mike Stern et par hasard, il a découvert Genesis lors d'un concert enregistré de 1977 et il s'est rendu compte que c'était pas mal meilleur que ce qu'il y a eu par la suite. Bon, on nous promet que dans sa deuxième partie, ça va ressembler un peu plus à Led Zeppelin, Glass Hammer et Spock's Beard. Et la troisième sera surprenante. Mais le premier l'est déjà pas mal aussi. Et on va poursuivre avec King Crimson, qui a sorti un deuxième volet de The Element. Donc, c'est 2015 Tour Box. Et on va entendre la pièce Vroom. Thank you. this song, and it's been so long. I knew from the start that I'd be holding on. If you only knew, yes, it's true, this one's for time slipping away. This time, no words left to say. Now it's been so long. I knew from the start that I'd be holding on. If you only knew, I kiss you too. This one's for we'll be right back. C'était King Crimson, extrait de The Element 2015 Tour Box. C'était la pièce Vroom. C'était précédé du groupe belge Abelian, qui sera de la prochaine édition de festival Prog Resist. Oui, on a encore le réflexe de dire convention. Mais non, eux autres aussi ont changé leur dénomination. Ils l'ont fait l'année passée. Mm-hmm. Et on avait débuté avec Purposeful Purpose. Drôle de nom, mais un album qui est très bon, qui s'appelle The Water Game, avec beaucoup de bons violons. Ben, c'est déjà tout pour nous, dans une drôle d'émission où on peut pas nous entendre sur les ondes, mais on est quand même disponible sur Internet. Et ben, merci à France et merci à Bruno, et restez à l'écoute pour l'émission L'Autoroute avec Stéphane Villeneuve. Revenez-nous la semaine prochaine dans des meilleures conditions, on l'espère. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Okay. J'essaie de rentrer par infraction. En haut de la porte Saint-Jean, il y avait une porte de secours. On essaie de défoncer. Et c'est là que la police est arrivée en grand nombre. On nous dit, on ne savait pas que le char était pris dans la salle. Mais là, ils commençaient à checker les affaires, les flics, parce qu'ils savaient que ce beau monde-là était tout en motésie, puis ça allait tout sortir en même temps, puis foutre le bordel. Fait qu'ils étaient montés sur la porte Saint-Jean. Puis là, quand ils nous ont vus, ben, ils sont venus nous chercher, évidemment. On n'avait pas encore réussi à défoncer la porte. Mais moi, en voyant les flics arriver, j'avais du H sur moi. Fait que... Il y a des tranches, c'est ça. Ouais, on sent... C'est sûr. Je pense que tout le monde aura compris. Non, j'ai pris il y a des enfants qui écoutent quand même. Ah ouais, à cette heure-là, tu penses? C'est certain. Et alors, j'avais pris ça, j'avais sorti ça de mes poches, je l'avais tiré en bas de la porte Saint-Jean. Bon, les flics étaient arrivés, ils nous avaient contrôlés, tout ça. Bon, dispersez-vous. Ils nous avaient pas vraiment pogné sur le fait, mais presque, mais bon, on n'avait pas eu le temps de faire notre mauvais. Restez avec nous. Dans un instant, L'Autoroute. Finalement, ben, j'avais pas été m'acheter mes billets, puis j'avais mauditement bien fait, parce que c'était le drummer original des Birds, Michael Clark. Il avait ramassé toute une gang de jeunes nobody, puis il avait appelé ça The Birds. Des musiciens, chanteurs, poètes, slameurs, conteurs, humoristes, ou tu pratiques un art de la scène hybride et t'as envie de te faire connaître? Participe au concours Montre tes talents au sacrilège. Dès le 3 février, 15 participants performeront semaine après semaine les mercredis dans l'émission Jamais comme tout le monde. À gagner, une bourse de 500$, une campagne publicitaire d'une valeur de 1000$ sur les ondes de CKRL et un spectacle avec cachet dans le cadre des Jeudis chauds au sacrilège. Inscription et détails sur ckrl.qc.ca. Date limite, 25 janvier. Ce concours est rendu possible grâce à CKRL, le bar Le Sacrilège et Boréal. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. Votre carte au coût de $25 est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus,